que d'eau, aurait dit MacMahon, et encore, maréchal, vous n'en voyez que le dessus, lui aurait répondu le préfet. MacMahon aurait-il été prophétique de la découverte d'eau liquide à la surface des exoplanètes du système Trappiste? On vous dit ça dans un instant. Comment faire pour lutter contre le fléau que constituent les drones à proximité des infrastructures dites sensibles? Un concours cherche la meilleure réponse. Et enfin, les coraux se seront-ils tous dissous dans l'océan à cause de son acidification d'ici 2100? Des chercheurs essayent de forcer la main en accélérant la sélection naturelle. Trappiste, drones et coraux, ce sont quelques-uns des sujets que nous allons aborder dans l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour faire le tour de l'actualité de la recherche, nous avons comme chaque vendredi réuni les scrutatrices et les scrutateurs les plus chevronnés, en tout cas ceux qui ne se sont pas laissés séduire par les pentes enneigées des vacances de février. Bonjour Cécile Lestienne. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Directrice de la rédaction de Pour la Science, Sébastien Carassou, bonjour. Bonjour à tous. Merci d'être revenu de Sense of Wonder, merci d'être revenu de votre expédition vers Proxima B pour être sur Terre avec nous aujourd'hui. La route était longue et la pente ardue. Et bienvenue Erwan Lecomte. Bonjour, c'est un plaisir d'être là. Vous êtes rédacteur en chef adjoint du pôle web de Sciences et Avenir, pendant qu'Olivier Lascar, lui, se gargarise de mauvais vin chaud sur des pentes boueuses. On ne va pas l'envier. En attendant, elle n'a pas peur de s'engager dans les pistes noires les plus tortueuses pour vous livrer chaque semaine l'actualité scientifique la plus fraîche. Les deux pieds dans la poudreuse, c'est Zoé Sfez pour le Journal des Sciences. C'est bonjour moi. Zoé. Bonjour. Le Journal des Sciences. Et on commence par les plus anciennes peintures rupestres connues qui ont été créées vraisemblablement par des Néandertaliens plus de 20 000 ans avant l'arrivée de l'homme moderne, de Homo sapiens en Europe. C'est en tout cas ce qu'avance aujourd'hui un article qui a été publié hier dans la revue Science. Effectivement, article très commenté puisque juste ici, la capacité à produire de l'art était l'un des derniers points qui semblait distinguer Homo sapiens, les humains modernes, des Néandertaliens qui ont disparu il y a 35 000 ans, mais dont on ne cesse de réévaluer notamment les capacités cognitives réalisées aux pigments rouges et noirs sur les parois de trois grottes espagnoles à La Piacega dans le nord-est du pays, à Maltravesio dans l'ouest et à Ardales dans le sud, donc trois grottes très distinctes. Ces peintures représentent des groupes d'animaux, des empreintes de mains, des points, des cercles et autres motifs géométriques. Mais évidemment, la thèse de l'article a des adversaires. Ils remettent notamment en cause la méthode de datation très novatrice utilisée dans cet article, dite de l'uranium-thorium, qui date en fait les croûtes de carbonate qui recouvrent les pigments en se basant sur la radioactivité restante d'isotopes d'uranium dans le thorium. Alors j'ai demandé à la préhistorienne Marilène Patou-Matisse, directrice de recherche au CNRS, qui vient de faire paraître un ouvrage intitulé Néandertal de A à Z, comment elle accueillait cet article et évidemment les débats qu'il suscite. La publication de Nature est vraiment très intéressante puisque les auteurs ont analysé des résultats dans trois grottes. Donc ça c'est important, c'est pas une seule grotte. Ils ont fait des analyses qui me paraissent quand même intéressantes sur à base de datation uranium-thorium. Bon, même si on peut parfois discuter sur cette méthode, mais elle est quand même très très souvent fiable. Je crois qu'il n'y a pas d'argument qui puisse dire non, c'est impossible. Je resterai modeste, je ne suis pas géochronologue, mais ce qui me paraît toujours un peu surprenant, c'est qu'on se pose cette question quand on a des résultats qui montrent qu'on est dans la période des Néandertaliens. Comme si, pour beaucoup, on ne peut pas admettre que les Néandertaliens aient pu faire des choses qui relèvent du symbolique, qui relèvent peut-être de l'esthétique. On aurait trouvé des âges typiquement sapiens, si j'ose dire, hein, des 23, 25. On n'aurait pas autant débattu sur la validité. Vous voyez ? Et moi, je crois qu'il faut attendre de nouvelles études, qu'il faut attendre d'autres grottes. Je pense qu'on va avoir des surprises, hein, parce qu'il y a beaucoup de grottes qui n'étaient pas datées, évidemment, pour confirmer tout ça. Mais il y avait déjà des prémices. À El Castillo, il y a un point rouge qui, là aussi, daterait donc la période des Néandertaliens. Il y a eu la célèbre découverte aussi de la grotte de Bruniquel. Donc dans le Tarn-et-Garonne, c'est-à-dire que là, le monde souterrain était connu des Néandertaliens. Donc soyons ouverts, moi je ne dis pas que c'est sûr, Mais je dis en tout cas que l'hypothèse du peut-être est renforcée par ces nouvelles analyses et ces nouvelles données. Voilà, et puis je vous renvoie à l'émission que nous consacrions ici même lundi dernier au récit originel, hein, précisément avec chaque nouvelle découverte qui nous réengage, qui engage les paléoanthropologues à réécrire ce récit du départ. On va vous mettre le lien sur le fil Twitter de notre compte @laméthodefc. En bref, Zoé, il n'y a plus de chevaux sauvages sur Terre. Oui, c'est l'une des conclusions qu'on peut tirer d'une passionnante étude parue cette semaine. Les auteurs ont séquencé le génome de restes de chevaux de bétail et de crasse-niard, vieux de 5500 ans. C'est les premiers chevaux à avoir été domestiqués au Kazakhstan à cette date-là. Et surprise, leurs seuls descendants directs, encore aujourd'hui présents, sont les chevaux de Przewalski, considérés jusqu'ici comme les derniers chevaux sauvages qui existaient. Cela aussi veut dire que les chevaux de bétail domestiqués dans un premier temps ont sans doute été relâchés ensuite, et qu'un second épisode de domestication a eu lieu dans l'histoire, qui mène à toutes les races actuelles, reste à trouver maintenant quand et où. Et notre deuxième sujet cette semaine, c'est un sujet qui concerne cet astronome amateur en Argentine qui a observé en direct et dès ses débuts la naissance d'une supernova, des données évidemment exceptionnelles qui ont orienté tous les télescopes professionnels du monde pour mieux observer ce phénomène en direct. Alors quand on sait qu'il ne se produit qu'une supernova en moyenne par siècle dans une galaxie, que le flash lumineux initial dure environ une heure, qu'il faut pour l'observer un ciel limpide, on estime que la probabilité pour qu'un astronome amateur la détecte est d'environ 1 sur 100 millions. Et c'est ce qui s'est produit le 20 septembre 2016 pour Victor Bousseau, qui est donc un astronome amateur, qui remarque qu'un point faible est apparu dans la constellation australe du Sculpteur. Il prévient évidemment tout de suite la communauté scientifique, mais prend aussi, et c'est ça qui est important, lui-même des données qui sont les plus précoces et les plus précises qu'on ait à ce jour sur une supernova et qui ont permis à des dizaines de scientifiques de valider, de tester en tout cas différents modèles théoriques. C'est ce que m'expliquait Federico Garcia, c'est l'un des co-auteurs de cette étude. Il est argentin, il travaille aujourd'hui au laboratoire d'astrophysique de l'université Paris Diderot et il connaît personnellement depuis son adolescence cet astronome amateur Victor Bousseau. C'est un homme d'une cinquantaine d'années, il est technicien mécanicien, il est astronome amateur depuis 20 ans et il a son propre observatoire sur son toit avec un télescope de 40 cm équipé d'une caméra et de filtres. Il cherche depuis longtemps à observer des supernovas. Pour cela, il suffit de pointer son télescope sur une galaxie et de voir si un objet apparaît qui n'était pas présent sur le catalogue. Donc il a eu de la chance, mais il savait très bien ce qu'il faisait, ce qui lui a permis de donner l'alerte très vite. Mais surtout, il a vraiment pu suivre la supernova au moment même où elle explosait, ce qui correspond à un laps de temps très court mais crucial qui dure à peu près 2 heures. Donc, on a des images où on ne voit pas encore la supernova et on la voit progressivement apparaître. Il a pu prendre des images toutes les 20 secondes pendant 1 heure. Ce sont des données inestimables. C'est incroyable car généralement, avec les données automatiques de nos grands télescopes, on a des images, mais on en a une ou deux à de longs intervalles. Or ici, on a pu mesurer la photométrie et voir la luminosité de la supernova doubler en moins de 20 minutes à une longueur d'onde optique d'environ 40 grandeurs par jour, ce qui est énorme. Et puis une autre surprise dans l'espace, Zoé, la galaxie d'Andromède serait plus jeune que la Terre. Oui, appelée aussi M31, Andromède est notre voisine, on pensait la connaître très bien, mais une étude publiée dans la revue MNRAS indique qu'elle se serait formée il y a moins de 3 milliards d'années seulement, donc à une époque où la Terre existait déjà, et qu'elle serait le résultat de la collision de deux galaxies. Mais bien sûr, vous nous en direz plus mardi prochain, Nicolas. Et dans 10 jours exactement, effectivement, on consacrera notre émission du mardi à cette galaxie d'Andromède et à ce que l'on en sait et ce qu'il reste à en découvrir. Et toujours à nos nouveaux sujets, mais c'est un journal des sciences extrêmement riche avec 3 sujets cette semaine. Une première européenne, Zoé, une chirurgie assistée par robot sur une tumeur ORL qui a été réalisée à l'Institut Gustave Roussy à Paris. Et c'est en couplant deux techniques de pointe dites mini-invasives, le robot chirurgical d'Invasi X et l'endoscopie, que les chirurgiens de Gustave Roussy ont pu enlever une tumeur située dans le rhinopharynx d'un jeune homme de 28 ans. C'est une première européenne qui est très emblématique de ce que pourra devenir sans doute la chirurgie de demain. C'est ce que m'expliquait hier l'un des chirurgiens qui a réalisé cette opération, le docteur Antoine Moya-Plana. C'est une première européenne dans le sens où la tumeur où elle était placée était en fait à la frontière de ce qu'on peut faire par voie endonasale et à la frontière de ce qu'on peut faire par voie endobuccale. C'est-à-dire que la zone où elle était placée, c'est-à-dire l'arrière du nez qu'on appelle le rhinopharynx, l'extension de la tumeur, on pouvait avoir facilement la partie supérieure, en fait, en faisant une chirurgie endoscopique endonasale, mais la tumeur descendait trop bas pour qu'on puisse l'atteindre de manière exhaustive et dans de bonnes conditions par le nez. Et donc, l'intérêt du robot, c'est une méthode qu'on n'avait pas avant, c'est de pouvoir passer par la bouche et remonter vers le nez en passant derrière le voile du palais pour pouvoir attraper le prolongement inférieur de la tumeur. Donc le robot, en fait, il a des bras articulés qui vont pouvoir avoir différents instruments, des pinces, des ciseaux, des bistouris électriques, etc. Et on a un optique qui donne une visualisation trois dimensions et en haute définition de la zone opératoire. Et donc ce robot, il est placé de part et d'autre du patient ou au-dessus du patient. Et on, pour le piloter, entre guillemets, il y a une console qui ressemble un peu à une console vidéo. Le chirurgien va pouvoir le piloter en voyant exactement en trois dimensions le champ opératoire. Le fait de pouvoir combiner à la fois cette chirurgie endoscopique et cette chirurgie robotique, ça n'avait jamais été fait et ça nous a permis en fait de retirer la totalité de la tumeur en un seul bloc et d'avoir des suites post-opératoires tout à fait simples. En bref, pour la première fois, une femme trans a pu allaiter Zoé. Une étude scientifique américaine publiée en janvier décrit comment une femme transgenre américaine de 30 ans, assignée homme à la naissance donc, a pu allaiter son enfant adopté. Pour cela, elle a pris du stradiol et de la progestérone, deux hormones féminines, et utilisé un tire-lait 5 minutes, 3 fois par jour, pendant 3 mois avant la naissance de son enfant. Et elle a pu l'allaiter exclusivement pendant 6 semaines. Les auteurs affirment néanmoins que d'autres recherches doivent être conduites afin de déterminer si le lait est nourrissant et sûr pour les bébés. Et pour conclure, comme chaque semaine, par notre rubrique de sciences improbables, des chercheurs de l'université de Stanford ont réussi à créer les premiers embryons chimères homme-mouton. Et oui, l'année dernière déjà, des chercheurs du Salk Institute avaient réussi à réaliser des embryons chimères homme-porc. Alors, c'est très sérieux parce que dans les deux cas, il s'agit de développer des organismes dotés d'organes humanisés, hein, des foies, des reins, des pancréas, qui pourraient servir de réserve de greffons parce qu'on manque évidemment d'organes. Alors si la tentative du Salk Institute n'avait pas permis d'obtenir un organe complet, puisqu'ensuite il faut réinjecter ces embryons dans un animal, et bien là les recherches de l'université de Stanford s'annoncent beaucoup plus prometteuses puisque la fécondation in vitro et la réimplantation des œufs est plus facile chez le mouton que chez le porc. C'est une information, mais tout ça est très sérieux, Nicolas. Il n'y a pas de mais. Pardon. Bon, elle était si elle facile. Était tellement facile. J'ai un peu honte, j'ai un peu chaud. Je vais vous demander de réagir à ce journal des sciences de façon peut-être beaucoup plus sérieuse. Cécile Estienne, Sébastien Carassou, Erwan Lecomte, Sébastien Carassou, je vous voyais pâlir de jalousie devant cette histoire de supernova. Eh ben, ça montre quand même que le grand public peut toujours participer à la recherche. Ce qu'on appelle la science citoyenne, elle est toujours d'actualité et c'est quand même génial. On a des télescopes qui sont qui coûtent des millions d'euros, des milliards d'euros, mais on peut toujours avoir un amateur avec un télescope de 40 cm de diamètre qui peut découvrir une supernova dans son jardin et je trouve ça génial. Il n'y a pas forcément besoin d'avoir de télescope d'ailleurs parce qu'il y a plusieurs programmes de sciences participatives qui proposent aux amateurs d'analyser justement les images des télescopes et de faire un peu de voilà. Tout à fait. Aujourd'hui, le grand défi de l'astronomie moderne, c'est qu'on a trop de données mais on n'a pas assez d'algorithmes pour traiter toutes ces données de manière suffisante. Du coup, il faut parfois faire appel à des gens pour fouiller à la main dans ces données et découvrir peut-être des choses extraordinaires. Cécile, d'autres points qui vous ont intéressé? C'est quand même cette histoire de peinture peut-être néandertalienne. Moi, je trouve ça... En tout cas, ça alimente la réflexion. Et puis, je voulais juste rappeler qu'effectivement, toutes nos théories, nos hypothèses sont fondées sur ce qu'on a retrouvé, mais pas sur ce qu'on n'a pas retrouvé par définition. Et des œuvres d'ordre symbolique et esthétique ont pu tout à fait disparaître. Des dessins dans le sable, on ne le retrouvera jamais. Des chants, des danses, on ne le retrouvera jamais. Et peut-être que l'art est bien plus ancien qu'on ne le pense. Erwan, il y a des choses qui vous ont fait réagir dans ce journal des sciences sur lesquelles vous aimeriez réagir ? Eh bien, peut-être sur cet aspect de chirurgie robotisée. C'est effectivement un virage assez impressionnant qui est en train de prendre la chirurgie à l'heure actuelle. On a aussi eu récemment des expériences de chirurgie en réalité augmentée avec des lunettes qui permettent aux chirurgiens d'avoir des informations supplémentaires, de se baser sur des modèles qui ont déjà été développés pour effectuer exactement les mouvements avec une grande précision. Donc c'est vraiment un gros plus, je pense, pour toute la partie chirurgicale. Peut-être après pour lutter contre les déserts médicaux en pouvant opérer gérer à distance. Mais ça pose néanmoins d'autres problèmes, notamment toutes les problématiques de hacking et de piratage. Parce que qu'est-ce qui se passe si, alors que vous êtes sur la table d'opération, quelqu'un prend à distance le contrôle du robot? Ça peut être nettement moins rigolo d'un coup. C'est vrai qu'on se pose beaucoup de questions aujourd'hui autour du remplacement ou de l'assistanat, en tout cas des chirurgiens, des médecins, par des intelligences artificielles au moment de la chirurgie, mais aussi au moment du diagnostic. Enfin, je veux dire, à plein d'endroits aujourd'hui, effectivement, l'intelligence artificielle s'invite de plus en plus, Cécile, dans la médecine courante et dans la chirurgie courante. Oui, de plus en plus. Et c'est promis visiblement un bel avenir. Il y en a même qui prédisent la fin des radiologues, ce qui est probablement un petit peu exagéré, mais voilà. Mais c'est juste des progrès qu'il faut accompagner, parce qu'effectivement, il y a des risques de hacking et c'est grave. Mais moi, personnellement, j'ai été confrontée à un chirurgien alcoolique, c'est pas mieux non plus. L'avantage du robot, c'est qu'a priori, il ne boit pas, enfin quoi que ça. Ça aussi, ça a peut-être changé. Un dernier mot aussi, Sébastien, c'est intéressant, cette datation de la galaxie d'Andromède, c'est assez inattendu, ou est-ce qu'au contraire, on le voyait un peu venir ? Inattendu dans le fait que là, c'est l'une des galaxies les plus proches de la nôtre, du coup, on l'a sous les yeux, littéralement sous les yeux, en permanence. C'est la galaxie qu'on peut voir à l'œil nu, l'une des seules galaxies qu'on peut voir à l'œil nu. Par contre, dans la vision d'ensemble de l'évolution des galaxies, une galaxie moyenne de la taille d'Andromède, au cours de l'histoire de l'univers, va connaître entre 4 ou 5 fusions avec d'autres galaxies. Du coup, ça colle bien avec l'image qu'on se fait de l'évolution des galaxies aujourd'hui. Mais ce que je ne savais pas, c'était qu'effectivement, cette fusion a eu lieu plus tard que la naissance de la Terre. Mmh. Et ça, c'est fantastique. Peut-être que les premiers êtres vivants à avoir poser la patte ou le pseudopode, dans l'eau, avait une vision du ciel bien différente que la nôtre. En sachant que la Voie lactée et Andromède sont amenées à fusionner dans 4 milliards et demi d'années. Oui, c'est ça, dans 4 ou 5 milliards d'années, avant même la mort du Soleil, avant aussi intéressant. C'est d'ailleurs, ça tombe bien, parce que ça va permettre à Noémie de Saint-Villefranc, qui a nourri le fil Twitter de l'émission en direct chaque jour, de poster cette vidéo qu'elle adore, cette modélisation de la fusion de la Voie lactée avec Andromède, et qu'elle pourrait la regarder à longueur de journée. Parfois, il faut la secouer. C'est ma préférée aussi. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Et à 16h18, il est revenu donc exceptionnellement de son long voyage vers Proxima B pour nous parler d'un autre système, pas dans Andromède, hein, celui de TRAPPIST, qui est un cran plus loin. C'est un système qui a été découvert l'an dernier, au mois de mai, qui a fait grand bruit, qui excite grandement la curiosité de toute la communauté des cosmologistes, parce que ce système est d'une relativement facilement observable. Vous allez nous expliquer pourquoi, Sébastien. Et puis surtout parce qu'il y a de grandes chances que plusieurs de ces planètes recèlent de l'eau liquide en surface. Et cette hypothèse de l'eau liquide en surface vient justement d'être confirmée par un nouveau résultat observationnel. Alors, pas confirmé, mais disons, c'est pas un nouveau résultat observationnel, mais plutôt une modélisation qui a été faite sur du long terme, donc sur un an. Donc, ce qu'a montré l'équipe de Simon Grimm, hein, du Center for Space and Habitability à Berne, c'est que les 7 planètes qui orbitent autour de l'étoile TRAPPIST 1 sont probablement rocheuses et qu'elles peuvent abriter de l'eau potentiellement. Donc, l'une d'elles, TRAPPIST 1D, elle pourrait même être beaucoup plus riche en eau que la Terre. Donc, elle pourrait contenir environ 250 fois plus que les océans terrestres en masse d'eau. C'est-à-dire 5% du volume de la planète. Absolument, tout à fait. Alors que sur Terre, on est à 0,01%. C'est ça. Exactement. Donc pour arriver à ce résultat, les chercheurs, ils ont utilisé des algorithmes qui permettent de prédire la probabilité de milliers de scénarios de formation des planètes différents en fonction des données qu'on a et des connaissances qu'on a sur les formations des planètes en général. Et ces données qu'on a, c'est la luminosité de l'étoile TRAPPIST qu'on va suivre en fonction du temps. Et donc quand une planète va passer devant l'étoile, elle va produire une minuscule éclipse, et chaque planète autour de TRAPPIST 1 va produire une éclipse qui lui est propre. Donc si la planète elle est grande, elle va produire une grosse éclipse. Si la planète elle est petite, elle va produire une petite éclipse. Et du coup, la diminution régulière de luminosité de l'étoile, elle va nous renseigner sur la taille des planètes qui orbitent autour, et donc sur leur volume. Donc ce qu'on veut chercher, donc pour 3 de ces planètes, le télescope spatial Hubble, elle a déjà pu déterminer, en observant ces planètes à différentes longueurs d'onde, qu'elles ne contenaient pas de dihydrogène comme élément majeur de leur composition. Ce qui renforce l'idée que ces planètes, elles sont probablement rocheuses. Elles font toutes à peu près à la taille de la Terre. Parce qu'il faut préciser que le dihydrogène, c'est l'un des composants principaux des planètes gazeuses type Jupiter ou Saturne. Tout à fait. Donc on a la taille de ces planètes avec la diminution de la luminosité de l'étoile. Par contre, ce qu'on voudrait, c'est la densité de ces planètes, pour confirmer si elles sont vraiment rocheuses. Et donc la densité d'une planète, c'est le rapport de sa masse sur son volume. Donc on a besoin de la masse. Donc Du coup, les chercheurs du Center for Space and Habitability, ils ont dû ruser. Ils ont imaginé une technique assez ingénieuse. Donc, ils se sont servis du fait que les planètes autour de Trappist, elles sont toutes très proches les unes des autres. Donc, toutes les planètes sont plus proches de leur étoile que Mercure l'est du Soleil. Mais il faut peut-être préciser, Sébastien, je vous interromps, que le Soleil, que Trappist 1, ça n'est pas un Soleil tout à fait comme le nôtre. Tout à fait. C'est ce qu'on appelle une naine rouge, c'est-à-dire une étoile bien moins massive que le Soleil, donc à peu près un dixième de sa masse. Beaucoup plus froide. Beaucoup plus froide, donc, mais toutes ces planètes sont beaucoup plus proches, ce qui fait que certaines de ces planètes sont dans ce qu'on appelle la zone d'habitabilité de leur étoile, c'est-à-dire qu'elles sont juste à la bonne distance de leur étoile pour que l'eau à l'état liquide puisse exister à leur surface. Donc si elles étaient plus proches, l'eau elle se vaporiserait. Comme sur Mercure. Si elles étaient plus loin, l'eau se mettrait à geler, comme sur Uranus et Neptune, ou si on est beaucoup plus loin. Même si Mars est dans la zone d'habitabilité de notre système solaire, donc pour le petit point de vocabulaire... Mars, c'était pas le bon exemple. Mars, c'était pas le bon exemple. Mais ça montre que le concept de zone d'habitabilité, il a ses limites. Il est variable. Aussi. Donc, dans notre système solaire, la Terre et Mars sont dans la zone d'habitabilité de notre système solaire. Par contre, Mars a perdu son atmosphère, une grande partie de son atmosphère, ce qui fait qu'il reste environ une pression atmosphérique un centième de fois celle de la Terre aujourd'hui. Et une atmosphère, on en a besoin si on veut développer de la vie sur une planète, parce qu'elle nous protège des rayons UV, des rayons X, des rayons cosmiques, et elle permet à l'état liquide d'exister à sa surface. Permet des conditions de pression suffisantes. Or, on pense jusqu'à preuve du contraire que l'eau est nécessaire au développement de la vie. On espère, en tout cas. Jusqu'à preuve du contraire. On a des bonnes raisons de penser que d'autres types de solvants peuvent exister, comme le méthane et l'éthane, qu'on trouve à la surface de Titan, par exemple, une des lunes de Saturne, sur lesquelles il y a un véritable cycle d'hydrocarbures, donc le cycle de méthane et de l'éthane, qui pourrait jouer le rôle du cycle de l'eau sur ces planètes-là. Mais pour l'instant, on ne sait pas vraiment ce qui peut en découler. Donc pour l'instant, on cherche ce qu'on connaît, c'est-à-dire la vie dans l'eau. Peut-être qu'on peut, préciser aussi, puisque c'est intéressant, que ces naines rouges, enfin, deux choses, c'est-à-dire que d'une, sur les, parce qu'on entend souvent, et on en a beaucoup parlé ici, aujourd'hui la quête pour les exoplanètes, on en découvre quasiment toutes les semaines, je crois qu'on a découvert plus de 3500 en moins d'une vingtaine d'années, néanmoins des planètes qui soient dans la zone d'habitabilité, et qui soient des planètes telluriques intéressantes, c'est-à-dire qui puissent abriter la vie, il y en a très très très peu. Eh ben, il y en a une cinquantaine, on en a découvert une cinquantaine à peu près, mais disons que Trappist 1, qui est ce système stellaire qu'on a découvert l'année dernière, 40 années-lumière, à 39 années-lumière d'ici, reste l'un des meilleurs systèmes solaires qui nous donne des indices sur les conditions d'habitabilité. Donc on a 7 planètes rocheuses qui sont en rotation synchrone, c'est-à-dire qui montrent toujours la même face à leur étoile. Donc on a une moitié qui fait toujours face au Soleil, donc qui est sûrement brûlée par les radiations et par la chaleur, etc. Et une autre perpétuellement dans la nuit. Et donc ça, c'est super intéressant. Mais ce que les chercheurs du Center for Science of Habitability ont découvert, c'est qu'ils se sont servis du fait que les planètes sont toutes très proches les unes des autres. Du coup, par des jeux de gravité un petit peu complexes, les transits de certaines de ces planètes, c'est-à-dire les passages devant leur étoile, elles sont pas parfaitement réguliers. Donc une planète va pas faire donc c'est des périodes qui sont assez courtes. Donc une année sur une de ces planètes, ça peut durer entre un jour et demi et 12 jours. Mais c'est jamais totalement régulier, parce que les planètes s'attirent entre elles, donc il peut y avoir des retards ou des avances de quelques minutes, voire quelques heures, et c'est en évaluant ces retards et ces avances que les chercheurs, ils ont pu en déduire la masse des planètes autour de Trappist et donc leur densité. Et donc les résultats de cette étude, elles laissent à penser que les deux planètes les plus proches sont probablement des fournaises, et donc sont impropres à la vie. Les deux les plus lointaines sont glacées, Mais les trois entre les deux sont potentiellement dans la zone d'habitabilité, et il y en a au moins une qui est super importante, qui est particulièrement prometteuse, c'est Trappist 1e, qui semble être légèrement plus dense que la Terre, avec un noyau de fer comme la Terre et une masse similaire. Et il y a d'autres simulations qui ont été réalisées par une équipe française de 2017 qui ont montré que si Trappist 1e possède assez d'eau, et bien elle aura forcément des étendues d'eau liquide à sa surface, quelle que soit la composition de son atmosphère. C'est quand même un résultat intéressant. Et donc aujourd'hui, en termes de taille, de densité et de quantité de rayonnement qu'elle reçoit de son étoile, Trappist 1e, ça reste la planète la plus similaire à la Terre qu'on connaisse, ex aequo, avec Proxima B, qui orbite mm-hmm. autour de Proxima du Centaure, l'étoile la plus proche de chez moi. Le voyage que vous êtes en train de faire sur le Sense of Wonder. Alors, on a fini maintenant, on a fini depuis quelques jours, mais on est content d'avoir fini d'ailleurs. Vous nous reparlerez, mais il y a trois épisodes pour le moment, et il y en a d'autres à venir. Il y en a juste trois. C'est le troisième, c'était le dernier. Très bien. Bon, on en reparlera tout à l'heure. Pour revenir sur ce système TRAPPIST et sur cette TRAPPIST 1E, le fait que la planète présente toujours la même face au Soleil par rapport à la rotation de la Terre, est-ce que c'est un problème vraisemblablement en termes d'exobiologie pour le développement de la vie, ou est-ce que c'est un avantage, est-ce que c'est un différent? Alors, il est trop tôt pour le dire, on n'a pas encore de données qui puissent confirmer ou infirmer l'existence de la vie sur une planète à rotation synchrone. Par contre, on peut se dire que en fait, ça dépend du contenu initial en eau de ces planètes-là. Si elles n'ont pas assez d'eau, elles vont avoir une surface désertique face à leur étoile et une surface glacée de l'autre côté. Par contre, sur le terminateur, c'est-à-dire la ligne de séparation, la ligne de séparation entre les deux, on peut imaginer des choses intéressantes. Par contre, le problème de l'étoile, le problème ou l'avantage de l'étoile TRAPPIST 1, c'est qu'elle c'est une naine rouge, donc une étoile qui émet bien moins d'énergie que le Soleil. L'avantage de ce genre d'étoiles, c'est que comme elles sont petites, elles vivent beaucoup plus longtemps que le Soleil. C'est-à-dire qu'elles peuvent avoir des durées de vie qui se comptent en milliers de milliards d'années, alors que la durée de vie du Soleil se compte en dizaines de milliards d'années. Donc, si on veut développer une vie complexe autour d'une naine rouge, c'est pas mal. Le problème, c'est que la vie d'une naine rouge, elle est beaucoup plus turbulente qu'une étoile comme le Soleil. Elle est sujette à de violentes éruptions stellaires qui peuvent balancer du plasma et souffler les atmosphères de ces planètes-là. D'autant que la proximité des planètes est beaucoup plus faible. C'est-à-dire que les planètes sont beaucoup plus proches du Soleil et donc, effectivement, ces éruptions peuvent complètement brûler totalement les atmosphères de ces planètes. Absolument. Et ce qui peut sauver ces planètes, c'est le fait qu'elles sont toutes en rotation synchrone et dans une configuration assez intéressante qu'on appelle une configuration résonante. C'est-à-dire que quand une planète fait un tour autour de son étoile, une autre planète va faire 2 ou 3 ou 1,5, etc. Et ce phénomène de résonance est un indice pour le fait de déterminer que ces planètes seraient nées beaucoup plus loin de leur étoile et donc auraient potentiellement été protégées des rayons destructeurs d'atmosphère du début de l'histoire de cette étoile. Donc l'espoir reste toujours là. En attendant, TRAPPIST 1E reste l'une des candidates à la vie. Les plus privilégiées. Les plus privilégiées. Question, parce que je disais que c'était le résultat d'une étude observationnelle, ce qui n'est pas le cas, parce que c'était de la modélisation. Mais précisément, aujourd'hui, est-ce qu'on est en mesure de détecter ce qu'on appelle des biosignatures? Est-ce qu'on va pouvoir le faire à un moment donné? Est-ce qu'on peut, puisque 40 années-lumière, c'est effectivement pas très loin à l'échelle cosmologique, à un moment donné, fixer les télescopes sur TRAPPIST 1E et regarder si on arrive à avoir précisément par observation, des indices sur la composition d'une éventuelle atmosphère qui pourrait nous renseigner là aussi, puisque s'il y a présence de dioxyde de carbone, on imagine que, compte tenu de ce que nous connaissons, ça veut dire qu'il y a peut-être un peu de vie. Alors ce serait génial, pour l'instant on n'a pas les instruments qui nous permettent de faire ça, notamment le fait d'imager ces exoplanètes, on n'a pas du tout la puissance requise pour pouvoir imager ces exoplanètes, elles sont beaucoup trop loin, mais ironiquement c'est aussi TRAPPIST 1E. TRAPPIST 1, c'est le système exoplanétaire qu'on connaît le mieux, à part le système solaire aujourd'hui. Et c'est ironique parce qu'on n'a pas les images. Par contre, l'année prochaine sera envoyé le James Webb Space Telescope, qui sera le successeur du télescope spatial Hubble, qui va observer l'univers dans le domaine des infrarouges, qui aura une résolution bien meilleure que celle de Hubble, et qui pourra faire les premiers relevés spectroscopiques, donc de savoir quelle composition ces atmosphères exoplanétaires ont, si elles ont une atmosphère. Et donc, ce ne sera pas plus tard que l'année prochaine. On commencera à avoir des réponses fiables sur ce fascinant système d'exoplanètes qui reste l'un des plus prometteurs aujourd'hui. Et puis un dernier mot peut-être aussi sur cette question de zone d'habitabilité. C'est un concept qui a eu une durée de vie assez longue et qui aujourd'hui est de plus en plus battu en brèche. C'est-à-dire que la zone d'habitabilité, c'est ce que vous expliquiez tout à l'heure, c'est cette zone à la proximité de l'étoile en fonction de la nature de l'étoile où l'eau peut rester à l'état liquide. Or, on commence à savoir, y compris chez nous, y compris dans notre propre système, que cette zone d'habitabilité, il peut y avoir des poches d'habitabilité en dehors de la zone d'habitabilité. Absolument. Autour des planètes géantes, comme Jupiter, par exemple, la gravité, elle est suffisante pour créer de la friction dans les couches de glace qui constituent les couches externes des lunes qui tournent autour, par exemple. Des effets de marée. Par ce qu'on appelle des effets de marée. Et en souterrain de ces lunes, on peut parfaitement imaginer, et c'est le cas pour quelques-unes de ces lunes, des océans souterrains, donc pas à la surface, mais souterrains, chauffés par la friction de ces roches-là. S'il y a de la roche, s'il y a de l'eau salée, on aura du volcanisme, dans ces cas-là. Et on a probablement de la vie qui peut se développer là, par exemple. On peut aussi imaginer, alors ça c'était un papier théorique qui a été publié en 2014, une planète qu'on appelle Vagabonde, qui est une planète sans étoiles, de 4 fois la masse de la Terre, qui rayonnerait assez de chaleur dans son cœur pour pouvoir chauffer un océan souterrain, même sans étoiles. Donc tout ça, ça reste des possibilités. On n'a pas encore de réponse, mais ça reste des possibilités intéressantes. Cécile Lestienne, Erwan Lecomte, un mot sur ce système TRAPPIST, ça nous a tous fait rêver, enfin, quand on regarde l'espace. Évidemment, Erwan ? Oui, c'est un système qui est vraiment extraordinaire. Enfin, moi, quand j'ai entendu sa découverte en 2016, vraiment, je suis tombé de ma chaise, parce qu'il est vraiment extraordinaire, parce qu'il a des planètes rocheuses, parce qu'il n'est pas si loin que ça de nous, parce que l'étoile, comme on l'a dit, est toute petite, donc du coup, elle n'est pas éblouissante vraiment pour les télescopes, donc ça offre la possibilité d'observer vraiment de manière très précise la lumière qui peut filtrer à travers une atmosphère si on a une, donc ça c'est assez extraordinaire, et surtout, le gros point fort de ce système, c'est l'orientation, le plan orbital. C'est-à-dire, on peut observer une éclipse sur TRAPPIST, autour de ce système. La probabilité que les planètes étaient bien orientées comme il faut pour qu'on puisse le voir depuis la Terre, c'était infime, et là, on l'a sous les yeux. Donc c'est une chance extraordinaire, et j'attends de voir avec impatience ce que James Webb va pouvoir nous apprendre de ce système-là. La méthode scientifique, Nicolas Martin. I'm so into the things we share, like floating in the air, like a magic carpet ride, nowhere to run, nowhere to hide. Tous les hommes, les courants d'air à 16h33 sur France Culture, puisqu'il va être question précisément de courants d'air avec vous, Erwan Lecomte, suite au tout premier accident d'hélicoptère provoqué par un drone. Alors, un accident d'hélicoptère qui n'a pas fait de mort, mais tout de même, c'est un précédent, hein, un accident d'hélicoptère provoqué par un drone, ça n'était a priori jusqu'à présent pas arrivé. Vous êtes donc venu nous parler de sécurité aérienne et du casse-tête que constituent les drones civils, hein, les drones personnels, individuels, pour les pouvoirs publics, à tel point d'ailleurs que depuis mi-janvier, l'Europe est en train de plancher sur une législation collective sur les drones civils. Effectivement. Alors là, c'était un élément un peu déclencheur qui marquera peut-être un jalon dans l'histoire des drones. Donc on a un crash qui alors n'est pas encore avéré, parce que là, le pilote raconte avoir vu un drone de type DJI Phantom se précipiter sur lui. Il a fait une manœuvre en urgence pour poser son hélico, il l'a raté, il s'est écrasé. Donc il y a une enquête ouverte par la NTSB, donc la National Transportation Safety Board. Mais, ça s'est passé aux États-Unis. Hein. Ça s'est passé aux États-Unis, ça s'est passé à Charleston en Caroline du Sud. Mais ce qui est étonnant, c'est que c'est arrivé juste 5 jours après un événement à peu près similaire, qui n'a pas donné lieu à un crash, mais un hélicoptère qui a percuté un drone, apparemment, c'est ce que dit son pilote aussi, au-dessus de Hawaï. Là encore, on ne sait pas vraiment si c'était ça, mais en revanche, on a un fait indubitable, c'est New York, septembre 2017, un autre hélicoptère de l'armée américaine, un Black Hawk, une très grosse machine, qui percute cette fois de plein fouet un drone, encore un DJI Phantom. DJI qui est la marque de drone chinois. Alors, qui est justement, la plus vendue. Voilà, pourquoi DJI on ne veut pas particulièrement aux pilotes d'hélicoptères, hein, c'est juste qu'ils représentent 80% du marché des drones de loisirs. Donc du coup, statistiquement, c'est souvent leurs machines qui sont impliquées. Alors là, on avait pu clairement identifier que c'était cette machine-là parce qu'il y a une pièce du drone qui s'était détachée sur laquelle il y avait un numéro de série. Donc on a pu remonter jusqu'au propriétaire et comprendre ce qui s'était passé. Alors là, on a parlé surtout d'hélicoptères parce que les hélicoptères volent en général à une altitude plus basse que les avions. Donc ils sont plus susceptibles de percuter des drones qui, normalement, sont censés voler à des altitudes nettement inférieures. Mais les avions aussi sont vulnérables parce que, notamment dans les phases de décollage et d'atterrissage à proximité des aéroports où ils sont beaucoup plus vulnérables. On a des cas là aussi, au Québec par exemple, en octobre 2017, un petit avion bimoteur qui a percuté quelque chose à 450 mètres d'altitude. Le Bureau de la Sécurité des Transports canadiens, le BST, a conclu au fait que ce soit un drone. Et puis il y a eu l'incident de Gatwick qui a causé aussi vraisemblablement un bazar épouvantable dans le trafic aérien à l'aéroport de Londres qui aurait été perturbé par la présence d'un drone. On a dérouté un certain nombre d'avions et ça a affiché une sacrée pagaille. Parce que effectivement les drones posent ce problème. On n'est pas obligé d'avoir une collision pour que ce soit problématique. Si un drone est repéré à proximité d'un aéroport, le trafic est bloqué. Ça peut durer une dizaine de minutes, ça peut durer quelques heures. C'est un manque à gagner énorme pour les compagnies aériennes. Il faut dérouter des vols, héberger les passagers. Donc c'est vraiment très très problématique. Et ce qui est surprenant, c'est qu'on en voit de plus en plus. Il y a une étude de l'EASA, l'European Aviation Safety Agency, qui a regardé juste au Royaume-Uni le nombre de fois où des pilotes avaient signalé avoir vu quelque chose ressemblant à un drone au départ ou à l'arrivée. On voit rien en gros en 2012-2013. 2014, on a 200 signalements, on en a 600 en 2015, on en a 1400 en 2016. Je vous laisse imaginer les chiffres pour 2017, on ne les a pas encore, mais c'est énorme. Donc là, pour le moment, il n'y a pas encore eu de crash d'avion provoqué par un drone, mais leur simple présence pose ce genre de problème. Parce que est-ce qu'on connaît les dangers réels que peuvent provoquer? Parce que alors, il y a évidemment la piste malveillante, la piste terroriste, on imagine un drone avec une charge explosive, effectivement, avec dans le but de faire des dégâts. Mais en pure accidentologie, c'est-à-dire juste par maladresse ou juste par un drone qui traîne, est-ce que ça peut vraiment, un drone contre un avion de ligne, c'est quand même un tout petit peu plus gros, est-ce que ça peut vraiment faire des dégâts? Alors, hélas, la réponse est oui. Alors, les avions sont conçus pour résister à des impacts, notamment des impacts d'oiseaux. Le péril aviaire, c'est quelque chose qui est très très bien pris en compte par les compagnies aériennes. Là, entre 90 et 2015, la FAA a recensé 160 000 collisions entre des avions et des oiseaux. Mais malgré tout, malgré cette robustesse des avions, il peut y avoir des crashs. On a un exemple en 2009 avec l'Airbus A320 qui s'est posé sur l'Hudson River à New York. Ça a donné lieu à un film. Sully, voilà, de Clint Eastwood avec Tom Hanks, tout à fait. Tout à fait, en 2016. C'est des oies bernaches qui ont été ingérées, comme on dit, par les réacteurs et qui ont entraîné le crash. Donc. Alors, est-ce qu'un drone pourrait faire la même chose? Eh ben, il pourrait potentiellement faire pire, parce que on a une étude qui montre que à vitesse égale et à masse égale, un drone peut faire plus de dégâts qu'un oiseau, parce que sa structure est extrêmement rigide, parce qu'il a des batteries, qu'une batterie lancée sur une carlingue d'avion, ça peut passer à travers, rentrer un petit peu, et puis les batteries, quand elles ont des contraintes mécaniques trop fortes, elles peuvent aussi exploser, ce qui peut occasionner des dégâts. Donc, potentiellement, oui, il y a un risque. Alors, ceci dit, c'est quelque chose qui est très, très bien pris en compte, comme on le disait, par les autorités. En Europe, toutes les autorités aériennes se réunissent depuis longtemps pour en discuter. En France, on a vraiment commencé à s'en préoccuper depuis 2014. Ça a été un véritable électrochoc quand il y a eu cette série de survols au-dessus des centrales nucléaires, au-dessus de tout un tas de bases militaires, même au-dessus de Paris et de sites sensibles. Et donc, du coup, on a commencé à lancer un certain nombre de projets. L'ANR, l'Agence nationale pour la recherche, a lancé un appel à projet Flash, dont l'objectif était de demander à quiconque de proposer des systèmes pour les détecter, les identifier parce que c'est très facile de voir un truc qui bouge, mais 9 fois sur 10 c'est des oiseaux, justement, on en revient là. Donc il faut arriver à voir que c'est un drone et ensuite il faut arriver à le neutraliser. Et justement, ça pose des questions intéressantes parce que en fait, finalement, quand on se retrouve avec un drone qui se balade dans une zone interdite ou dans une zone dangereuse comme un aéroport, qu'est-ce qu'il faut faire? On peut pas le détruire, il faut le capturer, on peut pas le mettre hors d'état de nuire mais sans risquer de perturber les instruments de navigation des autres objets aériens. Donc c'est vraiment un problème très complexe en termes de technologie. C'est extrêmement problématique. Alors, on a des techniques qui sont déjà en place grâce au projet Borea, d'Angelas ou Speed qui ont été finalement les vainqueurs de cet appel à projet qui a été lancé. On sait aujourd'hui, alors très très bien, les repérer et les identifier grâce à un système de, enfin tout un tas de radars, de caméras, avec des systèmes de visée extrêmement précis, de la détection thermique, bien que la détection thermique soit plus difficile sur des engins en plastique. Mmh. Voilà, mais ça, on y arrive quand même assez bien. C'est la partie neutralisation qui est un petit peu le maillon faible du système, mais il y a des techniques qui existent. On sait brouiller les communications. On sait même faire, mais là on peut pas le faire à cause d'un problème de législation, leurrer les drones, c'est-à-dire leur faire croire qu'ils sont à un endroit alors qu'ils n'y sont pas, et petit à petit les déplacer pour les amener un petit peu là où vous voulez. Et prendre le contrôle à distance, en gros. En gros, c'est ça. En gros, c'est ça. C'est une sorte de piratage, une sorte de piratage de la machine. Il y a des techniques qui consistent juste à rendre faire perdre la liaison vidéo. Donc le drone, dans ce cas-là, tous les drones ne réagissent pas de la même manière, mais certains drones savent revenir à leur point de départ. Donc dans ce cas-là, vous n'avez plus qu'à suivre le drone et accueillir son pilote au passage. Donc ça, c'est des techniques qui fonctionnent très très bien, mais on est là pour l'instant dans le répressif. Et en fait, l'Europe, pour l'instant, et la France, fonctionnent de manière plutôt intelligente parce qu'ils cherchent à accompagner l'essor des drones et leur développement. Juste pour vous donner quelques chiffres, un ordre d'idée de ce que ça représente, en 2016, on a plus de 416 000 machines qui ont été vendues en France. Et on aura sans doute passé le demi-million en 2017. Donc c'est un marché qui est massif, qui est vraiment énorme. Et maintenant, vous avez de véritables drones, c'est-à-dire des engins qui ne sont pas juste du jouet, qui volent dans le salon, qui taillent les plantes vertes et qui font peur aux chats. C'est vraiment des machines capables d'éviter des obstacles. Cécile Lestiel rigole beaucoup, je la suspecte d'avoir vu voler des drones dans son appartement. Oui. C'est aussi du vécu de mon côté. Donc voilà, vous avez des véritables machines qui sont capables de vous garder dans le viseur, de faire des selfies à 360 degrés pour le prix d'un smartphone. De 500 à 1000 euros, vous avez des machines qui sont comme ça extrêmement performantes. Pour l'anecdote, aux Pays-Bas, ils avaient dressé des rapaces, des aigles, pour aller les récupérer. Alors, ça, c'est aussi un exemple très intéressant. Ça a été tenté aux Pays-Bas, ça a été tenté très récemment au Mexique, et à chaque fois, ça n'a pas marché. Ça a été abandonné parce que on s'aperçoit que les rapaces sont assez efficaces pour attraper les drones, mais quand ils en ont envie, pas tout le temps. Et puis quand ils ont une petite souris, ils trouvent ça beaucoup plus intéressant que d'aller attraper un drone sur un aéroport. Ouais. Et puis surtout, quand il a attrapé le drone, après, il faut rattraper le rapace, ce qui parfois n'est pas évident du tout. Et les aéroports se trouvent confrontés à un double problème de gérer à la fois les drones et à la fois les rapaces. Alors, il y a les législations françaises et la législation européenne que j'évoquais tout à l'heure. Il y a aussi les constructeurs qui commencent à pour pouvoir vendre plus facilement, évidemment, leur matériel, de se soucier de ces problèmes de sécurité, notamment en implémentant des logiciels de no-go zone, c'est-à-dire des endroits où les drones finalement s'interdisent eux-mêmes d'aller. Tout à fait. Il y a intégré dans le firmware des appareils, donc dans le micro-logiciel des drones, tous les drones sont géolocalisés. Ils ont une puce GPS à l'intérieur qui est indispensable pour le pilote pour savoir où se trouve sa machine, à quelle distance, pour pouvoir calculer des éléments de vélocité de leur appareil. Donc ça, c'est vraiment indispensable. Donc vous savez où est votre machine. Et donc DJI propose là maintenant d'intégrer dans ce firmware. Dans le firmware, il y a des points, ce qu'ils appellent des no-fly zones. Si vous êtes à côté d'un aéroport, votre machine ne décollera pas. Si vous êtes dans une zone à altitude restreinte, il vous informera en vous disant attention, vérifiez bien que vous avez toutes les autorisations pour décoller. Alors à ce propos, j'invite tous les gens qui viennent d'avoir un drone, qui ne sont pas encore au courant, ou tout simplement les dronistes qui n'auraient pas connaissance de ça, vous pouvez aller voir sur Géoportail. Il y a une carte extrêmement détaillée de tout le territoire français avec, pour chaque endroit, à quelle altitude vous pouvez voler. On vient de mettre le lien sur le fil Twitter de l'émission. Cécile, vous vouliez réagir ? Oui, c'est juste parce que je ne connais pas du tout justement la législation associée à ça. Quel est le périmètre de responsabilité des pilotes de drones quand on interrompt la circulation sur un aéroport? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il ne faudrait pas, envisager un permis de conduire les drones ou quelque chose comme ça? C'est une très bonne question et c'est en cours. On est effectivement devant un espèce de paradoxe qui est que dans les drones civils, on reste bien sur pas l'aspect militaire, il y a des professionnels qui ont des entreprises dédiées aux drones qui doivent avoir tout un tas d'autorisations, d'assurances sur leurs machines, de certifications, de licences de pilotage qu'on ne demande absolument pas aux dronistes amateurs. Vous pouvez acheter demain en magasin à la FNAC un drone, partir voler n'importe où sans aucun problème. Il y a une législation qui prévoit d'immatriculer tous les drones de plus de 800 grammes qui devraient passer à l'été prochain. Donc ça c'est à l'étude. Et la gendarmerie travaille à développer en open source des transpondeurs, donc des espèces de petits émetteurs qui permettent de localiser précisément où est votre drone et de communiquer en permanence sa position, qui permettrait du coup ça participerait au développement de ce qu'on appelle le U-Space auquel réfléchit l'Europe, quelque chose qui voudrait implémenter à partir de 2019 et dans les décennies qui suivra, d'avoir une espèce de tour de contrôle décentralisé pour pouvoir savoir où sont les machines, qu'est-ce qu'elles font et fournir aux gens des lieux réservés pour pouvoir voler et pour pouvoir profiter de leur drone en toute sécurité, tout en bénéficiant de services additionnels comme d'informations météo ou autres. La méthode scientifique. Nicolas Martin. Et à 16h45, le dernier sujet cette semaine, eh bien, après l'espace, après le ciel, nous allons plonger sous la mer et nous allons reparler des coraux parce que, eh bien, les dernières nouvelles sont à la fois très préoccupantes, comme souvent, hein, quand on parle des coraux, mais les chercheurs font renaître quelques lueurs d'espoir de repeuplement, Cécile. Ah oui, on commence par les mauvaises ou par les bonnes nouvelles? Bon, on va commencer par les mauvaises, parce que ça va expliquer pourquoi les chercheurs cherchent à pallier ces mauvaises nouvelles. C'est qu'effectivement, on estime qu'en 30 ans, on a perdu à peu près 50% des coraux. Certaines projections nous disent qu'il n'en restera plus que 10% d'ici 2050. C'est quand même très peu. Voilà. Les coraux, c'est pas simplement joli, mais c'est aussi un abri absolument merveilleux pour la biodiversité de poissons qui nourrissent des gens, des êtres humains. C'est aussi effectivement un attrait touristique. C'est aussi souvent des barrières contre la force des vagues qui protègent les côtes. Donc, ça a une vraie importance dans l'écosystème marin. Et donc, alors, peut-être qu'on peut rappeler ce que c'est que les coraux. On peut rappeler ce que sont les coraux, mais on peut aussi dire qu'il y a une étude qui vient de sortir dans le Science de jeudi qui estime que l'acidification des océans pourrait conduire à la dissolution des coraux d'ici 2100. Alors, dissolution, ça ne veut pas dire qu'ils vont se dissoudre dans l'eau, mais ça veut dire qu'il va y en avoir plus qui disparaît que qui ne se reproduit. Voilà, je suis arrivé au bout de ma phrase, c'était compliqué. Pourquoi les coraux sont mal en point? C'est effectivement parce que ça peut être à cause tout simplement parfois des tempêtes, mais la plupart du temps à cause de la pollution, de l'acidification des océans, effectivement. Et puis aussi, il y a la question du réchauffement climatique et du stress thermique que ça leur cause. Donc les coraux. Donc qu'est-ce que c'est que les coraux? Ce ne sont pas des végétaux, non, déjà. Ni des petits rochers. Ce sont de petits animaux qu'on appelle les polypes, voilà, qui vivent en colonie et qui sécrètent un exosquelette de calcaire. C'est pour ça que qu'effectivement c'est dur. Enfin, la plupart des espèces dans les eaux chaudes, en tout cas. Et ces animaux vivent en symbiose avec des petites algues, des micro-algues en général et tout un tas de bactéries. Et ce sont les algues qui leur donnent leur couleur. Les oxantelles. Les oxantelles. Oui, la plupart du temps, ce sont celles-là. Voilà. Et c'est toujours plus compliqué qu'on le dit. Et puis, quand les coraux sont trop stressés, justement pour les raisons de pollution, de choc thermique, de tout ce qui peut leur arriver, ils ont tendance à expulser leurs algues. Et c'est non seulement ça leur fait perdre leur couleur, c'est pour ça qu'on dit qu'ils blanchissent, mais aussi, comme ce sont ces algues qui leur fournissent de 60 à 90% de leur nourriture, ils meurent, tout simplement. Et puis, ils perdent aussi, du coup, leurs bactéries qui vivent en symbiose avec le micro-algues, donc tout le système s'effondre. Le blanchissement, en fait, ça n'est pas systématiquement la mort, hein, c'est en plusieurs étapes. Il y a une étude justement récente qui vient de montrer que un blanchissement de corallien, c'est pas très grave, le corail peut s'en remettre, mais s'il y en a deux d'affilée, là pour le coup, c'est terminé. Oui, ça aussi dépend aussi, des espèces. Mais oui, effectivement, c'est d'ailleurs ce qu'ils étudient pour voir jusqu'à quel point ils peuvent se remettre et comment on pourrait les aider aussi à récupérer après un épisode de blanchissement. Et là, surtout, ce qui se passe, c'est qu'il y a de plus en plus d'épisodes de blanchissement. Ça a l'air de s'accélérer beaucoup. Il y en a eu un en 98, il y en a eu un en 2008, il y en a eu un énorme en 2014 qui a duré presque jusqu'à maintenant. Donc c'est vraiment une question très cruciale aujourd'hui de comment fait-on pour sauver les coraux. Alors comment fait-on, Cécile, pour sauver les coraux? Il y a plusieurs espoirs. Hein. Et ce qu'il faut aussi peut-être rappeler, parce que ça va être important pour la suite, c'est que les coraux peuvent se reproduire de deux façons. Oui, asexués et sexués. C'est ça. Alors, asexué, bon, c'est assez simple, en fait, par bourgeonnement. D'ailleurs, dans la nature, ça arrive tout le temps. Il y a une vague un peu forte. Un fragment de corail tombe et parfois se réimplante et redonne une nouvelle colonie. Donc, de clones. De clones. Puisque c'est de la parthénogenèse. Voilà. Et c'est ce que font beaucoup de gens qui s'intéressent à la coralliculture. C'est assez joli. Voilà. Et notamment des chercheurs américains qui ont travaillé ces derniers temps sur comment accélérer la culture des coraux par fragmentation. Donc ils se sont aperçus qu'en faisant des fragments à peu près la taille d'une gomme, comme pour gommer votre crayon, ça accélérait grandement de 20 à 50 fois plus rapide que dans la nature. Donc avec leur nouvelle technique, il y a quelques années, ils arrivaient à produire 600 coraux en 6 ans. Maintenant, ils en font 600 en un après-midi. Donc, c'est beaucoup mieux. Et ça leur coûtait au départ 800 euros le coraux. Et aujourd'hui, à peu près 17 euros. Et ils espèrent tomber à 2 euros. Le corail, pardon. Donc, les coûts ont beaucoup réduit. Et voilà. Et ça coûte quand même très cher parce que c'est pas grand, un petit corail. Donc, c'est ça. Et j'ai vu que des projections à l'échelle de la grande barrière de corail qui fait 2300 km, ça fait monter le tarif assez élevé, hein, puisque ça ferait 170 milliards de dollars pour restaurer l'intégralité de la grande barrière. Exactement. Donc c'est beaucoup d'argent. Et puis ça pose quand même un autre problème de toute façon, cette restauration des récifs par clonage. C'est que, par définition, ça manque particulièrement de diversité génétique. Bon, et ça, on le sait bien, des populations qui ont une diversité génétique trop faible deviennent immédiatement trop fragiles. Et comme justement elles sont soumises à des tas de stress en ce moment, c'est probablement pas la bonne solution ou la seule. C'est pas la seule. Alors il y a d'autres solutions. Ça, voilà. Donc les coraux, toujours de façon naturelle, se reproduisent de façon sexuée. Une fois par an, en général à la fin de l'été et la nuit, ils émettent des spermatozoïdes et des ovules, voilà, qui se rencontrent et qui forment des nouveaux petits polypes qui après s'implantent, etc. Enfin, ils s'implantent. Il y en a un sur un million qui réussit à survivre, mais normalement, ça se passe comme ça. Ce que l'on peut faire, c'est, si on arrive à repérer la bonne nuit, c'est de récupérer effectivement ces spermatozoïdes et ces ovules, de les élever, enfin, voilà, de forcer la fécondation. Il y a toute une technique qui a l'air de marcher plutôt bien, de les implanter sur des tuiles, et puis après on peut les cultiver et les remettre dans l'eau. Mais si on les remet dans l'eau, autre problème, parce que justement, il reste toujours ces problèmes d'acidification et de choc thermique et de pollution. C'est-à-dire qu'ils vont être sensibles comme les autres. Sauf évidemment quelques petites mutations, mais des mutations très rares. Donc l'idée, c'est de forcer un peu la main. Et donc, là, il y a plusieurs techniques. Une des techniques, c'est de les exposer justement à des chocs thermiques presque létaux, mais pas létaux. Voilà. Et pour essayer de forcer l'expression de certains gènes qui les protègent de la chaleur. C'est plutôt du réglage épigénétique dont on peut parler à ce moment-là. Et bon, on va voir ce que ça donne. Il y a aussi d'autres recherches qui sont menées en ce moment sur la sélection directement d'espèces qui seraient, ou de variétés qui seraient plus résistantes à différentes pathologies ou différents chocs environnementaux. Après, on en est un peu au début, il y a encore beaucoup de choses à faire. Et puis comme vous savez, les chercheurs hésitent toujours parce que implanter comme ça, réimplanter des individus qui ont été un peu sélectionnés, est-ce que c'est une si bonne idée que ça? S'ils supplantent tous les coraux qui existent encore, ça sera probablement pas une bonne idée. Donc voilà, il y a encore beaucoup de recherches à faire, mais c'est quand même un espoir. C'est ça. C'est-à-dire qu'on n'en est pas. C'est pas encore des coraux OGM parce qu'on ne modifie pas leur génome directement. Ça pourrait arriver. Mais effectivement, il reste des questions d'impact sur l'environnement et surtout à moyen et long terme, parce qu'on a vu par exemple, alors ça n'a rien à voir et c'est un cas complètement différent, le cas de cette écrevisse qui se clone toute seule et qui envahit les océans du monde entier, qui sort pour le coup d'un labo et d'un aquarium. Voilà. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'il faut toujours faire attention. Donc, et puis en plus, ce qui se passe, c'est que là, ça va quand même très vite. On parlait des projections tout à l'heure de disparition des coraux dans les dizaines d'années qui viennent. Donc, une autre des voies de recherche, c'est justement d'essayer de conserver les coraux qui existent aujourd'hui, enfin les spermatozoïdes, les ovules, etc., en se disant peut-être que d'ici quelques années, on pourra faire mieux. Donc voilà, donc il y a une banque de spermes et d'ovules de coraux qui est en train d'être mise en place à la Smithsonian aux États-Unis. Bon, pour l'instant, bon, c'est un petit peu comme pour les mammifères d'ailleurs. Pour le sperme, ça marche très bien. Pour les ovules, un peu moins. Mais on va peut-être y arriver. On en est au tout début. Hein. J'ai lu que 2% des 800 espèces pour le moment ont été sont ainsi prélevées et conservées. Mais il faut bien commencer par quelque chose. Bon, et puis je vais vous renvoyer à l'émission que nous avions consacrée précisément au blanchissement. Je ne sais pas si on dit blanchissement ou blanchiment, on lit les deux, hein, sur le corail. Bon, bref, en tout cas sur le fait que peut-être les coraux... Que les auditeurs peuvent nous écrire pour nous dire... pour voter pour le blanchissement ou le blanchiment. On arrive à la fin de cette émission, on fait un tour de table. S'il y a d'autres actualités scientifiques, des choses à venir ou des choses dont on n'aurait pas parlé, qui vous semblent intéressantes et sur lesquelles vous voulez alerter nos auditeurs, Sébastien ? Alors moi je voudrais alerter sur l'avènement du festival Lyon Science qui sera organisé par le Café des Sciences et qui aura lieu le dimanche 4 mars à l'espace Astrée-Villeurbanne de Lyon. Donc c'est organisé, c'est une journée consacrée à la vulgarisation, dans laquelle notamment je participerai, mais je ne serai pas le seul, évidemment. C'est ça, on est venu faire votre promo, quoi. Voilà. Allons-y. Mais ce sera super intéressant, donc il faut venir nombreux. Ça se passe comment? Ça s'organise comment? C'est un endroit précis, c'est des tables rondes? Ce sera des tables rondes, des conférences et des stands, donc venez nombreux, voilà. Erwan, y a-t-il des choses dont vous vouliez nous parler ? Oui, le gros événement de la semaine prochaine, c'est le Mobile World Congress de Barcelone, donc qui va avoir lieu du 26 février au 1er mars. C'est la grand-messe techno de toute l'actualité des smartphones, téléphones mobiles, téléphones pliants, téléphones du futur. Téléphones pliants, oui, comment ça va voilà, avoir des projets de téléphones pliants ? Et on a surtout des choses très intéressantes qui arrivent au niveau des capteurs photo, où enfin on pourra peut-être réussir à faire des photos correctes dans l'obscurité avec nos smartphones. Parlez pour vous, les photos d'obscurité sont extrêmement bien. Cécile. Bon, vous voulez juste parler d'une petite actualité, d'un papier qui est paru dans Neuropsychologia sur le bilinguisme et Alzheimer. Alors, une précédente étude canadienne déjà avait semblé montrer que être bilingue, ça retardait de 4 ans l'apparition des premiers symptômes quand vous étiez atteint d'Alzheimer. Et là, il y a une autre étude qui s'est intéressée de savoir, qui essaie de savoir pourquoi et qui a donc fait passer des IRM à une soixantaine de personnes atteintes des premiers symptômes d'Alzheimer, certains bilingues et certains monolingues. Et ils ont vu que chez ceux qui étaient bilingues, en fait, certaines zones vraiment impliquées dans la mémoire sont déjà plus rabougries que chez les autres. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'en fait, ils ont un stade plus avancé de la maladie, mais qu'ils ont mieux compensé. Mmh. Et effectivement, en regardant d'autres zones impliquées dans le langage et dans le dans le réseau cognitif du contrôle cognitif, ils ont vu que c'était plus développé. Donc, ça voudrait dire que le bilinguisme développerait ce réseau-là et favoriserait la compensation Alzheimer. Et je fais donc un lien totalement capillotracté, mais que j'assume absolument en ces temps de tentation de repli nationaliste qui va parfois vers un repli sur la langue. Je rappelle que en Catalogne, certaines écoles ont banni les livres en castillan de leur bibliothèque. C'est peut-être pas une bonne idée. Eh bien voilà, apprenez des langues et vous retarderez l'apparition des maladies neurodégénératives. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les trois. Un mot, la couverture du Pour la Science du mois de mars. Février. C'est encore février. Enquête sur la matière noire, les nouvelles observations qui chamboulent les théories. Et la couverture de mars, vous pouvez nous le dire, ça va arriver. Bitcoin. Sur le Bitcoin, très bien. Sébastien Carassou, vous retournez vers Proxima B, donc Oui, donc l'épisode qui est sorti vendredi dernier et qui conclut notre trilogie de voyage, de docufiction vers le voyage vers Proxima B. Ouais. Vous parlez, en l'occurrence, vous pouvez nous le dire, puisque vous faites la promo de Lyon, allez-y. Oui, oui, alors... sur la notion du vaisseau monde, en fait. Absolument, sur la notion de science-fiction et de science du vaisseau monde, donc, c'est-à-dire comment faire vivre plusieurs générations à l'intérieur d'un vaisseau, donc comment créer des systèmes écologiques fermés. Ça traite de tout ça. Quand l'homme devient un récif corallien, Erwan Lecomte, en une de Sciences et Avenir. Eh bien, ça sera sur les nombres magiques, les nombres qui régissent l'univers, et on a aussi un joli dossier sur l'audition que je vous invite à consulter. Science et Avenir du mois de mars. Merci beaucoup à tous les trois. Merci à toute l'équipe de La Méthode Scientifique, avec Étienne Céline, Lausanne, Sarah Igemans, Antoine Beauchamp, Noémie Naguette Saint-Vulfranc, Sonia Leglen à la réalisation qui nous a accompagnés toute cette semaine, et Antoine Pitiloni à la technique. La suite de vos aventures sur France Culture dans un instant, c'est le magazine de la rédaction à l'école des mutations agricoles par Anne-Laure Chouin. Tout à l'heure, et bien comme chaque vendredi, c'est la Dismoudre de 18 à 20h en direct du Bel Air à la Maison de la Radio, avec pour commencer à 18h20 le club du grain à moudre. Quand c'est off, voilà la question qu'Hervé Gardette posera à ses invités. Pour ce qui nous concerne, et bien la semaine prochaine, lundi, nous parlerons de la nouvelle vie de la botanique. Mardi, peut-on prévoir les séismes? Mercredi, comment les ordinateurs apprennent à parler? Jeudi, nous aurons la chance et le privilège de recevoir Carlo Rovelli. Et puis vendredi, science-fiction. Alors on hésite entre le bicentenaire de Frankenstein ou Jules Verne et la science. Vous pouvez nous dire ce que vous préférez. En tout cas, on en reparle dès lundi sur notre fil Twitter @lamedafc, sinon lundi 16h jusqu'à preuve du contraire.